Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbo-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. On va parler avec Hugues Fouché. C'était la journée importante aujourd'hui pour la NTA. On va parler avec Hugues. Salut Hugues! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Avant, on va faire le tour de la NFL un peu, ce qui s'est passé au cours du week-end. Les Bills, c'est pas facile, hein? Et on a eu cette fin de semaine, on a eu les deux visages des Bills dans le même match. C'est-à-dire qu'ils ont joué une première demi affreuse contre les Bucks, ont été superbes en deuxième demi, puis ont failli gagner le match. Puis, tu sais, des fois dans un match, Danny, le match va changer de sens parce que tu fais des ajustements à mi-temps ou que tu changes de stratégie. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression, moi, dans ce match-là, je sais pas si c'est ton impression aussi, mais que le match a plus changé de sens parce qu'en première demi, les Bills... ratait des plaqués, faisait des erreurs, était indiscipliné, puis en deuxième demi, soudainement, là, ils se sont mis à jouer comme les Bills sont capables. Alors, on a eu dans le même match les Bills qu'on se dit, mon Dieu, ils pourraient gagner le Super Bowl en deuxième demi, puis en première demi, on a eu l'équipe qui va peut-être même pas faire les séries. Tu sais, c'était très, très particulier, mais c'est une grosse défaite, puis là, les Bills sont vraiment condamnés à gagner dans deux semaines contre les Pats s'ils veulent conserver des chances. Ouais. À Foxborough, ce qui sera pas facile. Ce sera pas facile, donc c'est vraiment... Oh non. OK, il y avait également d'autres matchs qu'il faut... Qu'est-ce qui t'a signalé en fin de semaine? Qui t'a marqué le plus? Ben écoute, Cleveland qui a battu Baltimore, mais pas tant à cause de la victoire. Ouais. C'est une victoire serrée, c'est important pour Cleveland, mais parce que là, Lamar Jackson s'est blessé. Puis Baltimore a une bonne équipe, mais c'est incroyable le nombre de blessures qu'ils ont. Et puis, si Lamar est pas là, je pense que ce club-là là, va se retrouver là, dans de gros, gros ennuis. Ce qui est dommage, c'est un club bien coaché, c'est un bon club de football, mais là, à un moment donné, les blessures les rattrapent. Alors moi, cette défaite-là, pas seulement pour la défaite de Baltimore, mais qui les exclut pour l'instant là, du premier rang de la conférence américaine, mais beaucoup... une question qu'à un moment donné, ça va être difficile pour eux de maintenir le cap. Je tiens Kansas City, qui est à 9-4. On a, ils ont massacré. Je l'ai écouté sur ma partie du match. Je pense que les Chiefs, c'est la meilleure équipe de la conférence américaine. C'est ce que je pense aussi. Les Patriots sont impressionnants, mais. Ouais, la défensive s'est raffermie. Mahomes recommence un petit peu à jouer comme. Un peu plus comme Mahomes. Écoute, c'est vraiment l'équipe qui est à battre. Là. Finalement, on les avait oubliés un petit peu. Mais, tu sais, moi, je pense qu'il y a d'autres bonnes équipes. Comme je te disais, les Patriots jouent très bien présentement, mais battre Kansas City, ça veut dire que tu battrais une équipe de Pat Mahomes avec un corps recru. Ce sera pas facile. Là. Ouais. Hein? En série, là, on s'entend. Ouais. Alors, moi, je pense que Kansas City est en train de reprendre. Et là, ça finit 48-9. C'est sûr que Las Vegas, c'est pas... une équipe qui s'en va dans la bonne direction, mais c'est quand même un massacre. J'ai hâte, moi, de voir Kansas City en fin de semaine. Ils vont jouer contre les Chargers. Ça va être un meilleur test. Les Chargers ont quand même une bonne équipe. Oui, c'est vrai, c'est demain soir, t'as raison. C'est le match du jeudi soir, ça, effectivement. C'est un bon match. Ouais, ouais. Hey, on est chanceux, là. Et ça va nous en indiquer long sur ce que Kansas City est capable de... Si Kansas City passe relativement facilement à travers les Chargers, on va pouvoir commencer à les craindre comme on doit les craindre. C'est une méchante bonne équipe de football, là. OK. Donc, ensuite de ça, écoute, j'ai regardé... Dallas a gagné contre Washington. Victoire, oui. Une victoire importante parce que les Cowboys, écoute, ça allait oui. moins bien dans les 3-4 derniers matchs. Donc, une belle victoire. Fait que... San Francisco 26-23 contre Cincinnati. Très important comme match parce que San Francisco s'est replacé dans la course aux séries. Et puis Cincinnati, je veux juste dire une chose là-dessus, OK, par exemple sur San Francisco. OK, on va en reparler plus tard. Là. C'est pas nécessairement le topic de la semaine, mais les 49ers ont une saison bien ordinaire, ils sont 7-6 présentement, OK? Ouais. Jimmy Garoppolo joue correct, mais il domine pas, OK? Je sais que les 49ers ont donné 3 choix de première ronde pour Trey Lance. Or, je sais que Trey Lance a été blessé, mais tu sais, il me semble que j'ai comme l'impression que ce qu'on doit voir en entraînement de Trey Lance, si ça peut peut-être ressembler un peu de ce qu'on a vu de lui en pré-saison, puis lors des matchs hors concours, en pré-saison, puis lorsqu'il a joué un peu en saison, ça n'a pas l'air parti pour être un grand succès. C'est tôt, là. Mais tu sais, quand tu as donné 3 choix de première ronde pour Trey Lance, puis que tu vois Mac Jones, qui était l'autre candidat que les 49ers considéraient jouer comme il joue, le petit gars va avoir beaucoup de pression un jour quand il va jouer. Tu sais, je veux juste dire ça. Parce que à 7-6, puis avec le jeu que Garoppolo donne, qu'on n'ait pas plus vu Trey Lance que ça, est-ce que c'est une source d'inquiétude ou est-ce qu'on fait simplement bien gérer le début de carrière puis pour pas l'envoyer trop vite dans la mêlée? Ça presse pas. Puis je vais t'arriver. Oui, c'est vrai, effectivement. Je vais t'arriver. C'était mon sujet de discussion avant de passer à la NCAA. Je veux parler des Steelers de Pittsburgh. C'est quoi la suite des choses à Pittsburgh? Est-ce que là, on a une personne de parler, je te posais la question, Bradshaw, Big Ben. Est-ce que tu penses qu'on va y aller avec une reconstruction à Pittsburgh? Et qui va être le corps? Écoute, j'en ai parlé avec François Paquette aujourd'hui. François qui est un peu mon généraliste. Et j'y disais que les Steelers peuvent pas passer à côté de Kelly Pickett, qui est un carrière, qui est à l'Université de Pittsburgh, classé 12e, il a battu tous les records de Dan Marino, donc c'est un produit local. Par contre, sur le marché des échanges, tu vas avoir plusieurs joueurs intéressants, des carrières. Russell Wilson va probablement être sur le marché. Aaron Rodgers va peut-être l'être. Jimmy Garoppolo va peut-être l'être. Matt Ryan, c'est quoi la suite des choses pour toi? Où on va y aller avec une reconstruction et qu'on se dit Mike Tomlin? J'ai hâte de voir la suite des choses à Pittsburgh. Traditionnellement, les Steelers sont pas forts sur les joueurs autonomes. C'est pas une équipe mais c'est sûr que, tu sais, je vais être honnête avec toi, là, si Russell Wilson ou Aaron Rodgers sont disponibles puis veulent aller là, je passerais par-dessus le principe personnellement, là, puis ça serait mon choix, ce serait pas trop difficile. Mais bon, tu sais, on peut pas assumer que ça va arriver. Puis comme je t'ai dit, il y a les questions de plafond salarial, les Steelers traditionnellement, ont plus tendance à repêcher leurs propres joueurs. Puis là, il y a un carrière de leur université, un produit local qui a joué au Whitefield, en plus de ça. Fait que, il est dans le cours, là. Ça va être... Puis il est classé, je regarde le classement, il est regardé pas mal là, au même tour que les Steelers vont repêcher. Hein. Selon les mock drafts, là, on parle de lui en milieu de repêcheur, à peu près. Milieu de première moi, j'ai trouvé... puis moi, honnêtement, je l'ai trouvé impressionnant cette année. On l'attendait pas nécessairement, mais il a très bien joué. Comme tu dis, il a montré beaucoup de leadership. Comme tu dis, c'est un produit local. Il a gagné le ACC avec une équipe de Pitt. Ça n'arrive pas toutes les années. Moi, je le verrais. Il y a eu un impact sur le terrain. Ça serait un bon choix. Moi, je les verrais aller dans cette direction-là. On assume là, tous les deux que Mason Rudolph n'est pas une solution à long terme. Hopkins, moi, je ne le vois pas comme une solution. Oui, exactement. C'est des backups. Moi, je pense que s'ils pouvaient, parce que la position de corps arrière est super importante, t'en as jamais trop, s'ils pouvaient jumeler peut-être, Pickett avec, un gars comme Garoppolo pour être bridge quarterback, je pense, parce que Rudolph, même pour un an, moi, j'y crois pas, là, je voudrais même pas l'avoir pour un an, là. Mais c'est quoi signer un gars comme Jimmy G à un prix raisonnable parce qu'il comprend qu'à ce moment-ci de sa carrière, il va peut-être plus... puis tu peux avoir un gars comme Pickett, comme Comme corps du futur, je pense que ça serait l'idéal. Mais moi, je pense que si on a l'opportunité de repêcher ce jeune-là, même monter un peu pour s'assurer d'aller le chercher, moi, je le fais. Je pense que c'est un gars qui a il a connu une belle carrière collégiale, mais je pense que c'est surtout un gars qui a les caractéristiques pour être un corps pro. Okay. Il a les caractéristiques pour la NFL. Il est grand, il est costaud, il a un bon bras. Il lit bien les défenses. C'est un gars qui prend soin du ballon. Moi, je l'aime bien. Je pense que je le ferais si j'étais... Si j'étais les Steelers, c'est vrai, tu marques un bon point. C'est vrai que c'est un produit local. Je l'avais même pas vu comme ça, mais c'est vrai que c'est un produit local. Tu vois les records de Dan Marino, c'est dur de passer à côté. Ouais, c'est très pour dur. Les Steelers, c'est dur de passer à côté, mais il peut y avoir d'autres équipes. Tu sais comment ça marche pour les corps, Danny. Ah ouais. Les gens deviennent fous. C'est tellement dur de trouver un corps. Il y a d'autres équipes qui vont avoir besoin d'un corps. Ça presse. Tu prends, par exemple, mettons les Giants, là. Les Giants, tu sais, je veux dire... Le propriétaire des magasins Jones, Sport Expert de Robert Vall est de Dolbeau. C'est une machine à revirement. Est-ce qu'ils vont vouloir en repêcher un autre? Détroit va repêcher très tôt, par exemple. Mais Lyon, je regarde, il y en a trois qui sont listés. T'as Matt Liberty qui est à Liberty. Mark Lewis, qui s'appelle? Oui. T'as Liberty, petite université. Je pense que c'est quoi? C'est-tu la FCS, Liberty? Oui, c'est FCS, ça. C'est FCS, ouais. Donc lui, il est en première ronde. C'est sûr que quand tu repêches en deuxième... quand tu es du FCS, il y a quand même un point d'interrogation. T'as Matt, ouais. Le carrière de Cincinnati, pas mauvais non plus. Mais c'est pas une année, cette année de carrière non. vraiment... Non. Normalement, là, il y a personne qui a le profil d'un top 10 non. dans les cadres cette année, ouais. mais il y a tellement une surenchère que ça veut pas dire qu'il n'y a pas une équipe qui va qui va repêcher beaucoup trop vite. On le sait, là. C'est souvent comme ça que ça arrive, mais il y a personne qui a vraiment un profil de top 10 cette année dans les carrières. Mais regarde, l'année passée, il y en a plusieurs qui avaient des profils de top 10, puis c'est pas tous un succès jusqu'à maintenant. Faut être patient, là. Mais c'est dur d'évaluer des jeunes, c'est pas une science précise, puis il faut faire attention. Peut-être que les équipes, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il y a des équipes de la NFL qui aiment mieux ces jeunes-là que ce que nous, on les évalue, tu sais, ou ce que nous, on pense d'eux là, actuellement. OK, on va y aller, va y aller maintenant avec ce qui s'est passé du côté de la NCAA. Écoute, sans surprise, on en avait parlé mardi, mercredi. Ouais. Bryce Young a été il a carrément gagné son Heisman. Écoute, il était pas mal en avance, puis au championnat de CC, il a détruit Georgia. Donc, c'est lui qui est pas de surprise. Là, la question que je me pose, les Crimson Tide d'Alabama, depuis quelques semaines, ils ont trois quarts de talent. Là. Mac Jones, ça va faire un bon quart. Toi, c'est un quart de la NFL. Là. C'est peut-être pas le choix top 10, mais ça va faire un quart de la NFL. Et Bryce Young. Donc là, l'histoire du carrière de système, là, Alabama, je pense qu'ils ont chassé ça. Parce qu'avant, ces trois-là, c'était pas fort. Là. Non, ça n'a jamais été... Effectivement, il y avait fait de grosses modifications dans leur système de jeu quand Tua était leur carrière, ça paraît. Mais mais effectivement, tu as bien raison. Il va falloir considérer parce que Bryce Young... là, je vais te dire une chose. Le problème de Bryce Young, c'est qu'il n'est pas admissible immédiatement pour la NFL. C'est un freshman, puis, le joueur de première année, en passant. Ouais. Puis là, il va jouer trop longtemps à NCAA. Puis c'est la même chose dans tous les sports. Quand un gars est obligé de jouer trop longtemps, des fois, on commence à y trouver des défauts, à le voir trop longtemps jouer à un niveau inférieur pour lequel il est déjà trop fort. T'sais. Alors, c'est un petit peu ça le problème. Mais c'est tout un prospect, ça, là. Il a du leadership, il est bon, il a un bon bras, il est pas très gros, par exemple, là, mais il est quand même mobile, il lit bien les défenses, il est capable, contrairement à Mac Jones, de faire un petit peu plus de off the script. Tu sais, quand le jeu ne fonctionne pas, il est capable d'improviser un peu plus. Moi, je le vois comme un très bon prospect. Alabama, c'est un peu comme Oklahoma, tu sais, on voit des corps sortir de ce système-là, puis ils sont tous bons. Le Mac Jones va faire beaucoup pour le repêchage de ce jeune-là, parce que là, les gens vont dire... Okay. Puis toi aussi, comme tu dis, c'est encore la NFL. Ben avant, c'était quoi? Il y avait Andy Dalton qui était dans la... Non, Dalton... Eddie McCarron? T'avais AJ McCarron. Qui était le plus connu. Avant ça, c'était des carrières de système, là. Tout le temps. Puis, exactement. Ils n'ont jamais vraiment développé de corps pour la NFL. C'était pas la spécialité d'université, là. C'est plus. Mais, je veux dire, ça a commencé effectivement avec. Ben, en fait, le corps, excuse-moi, c'est Hurts, le corps de Philadelphie, c'est aussi un produit d'Alabama au départ. Hein? Oui, c'est le gars qui était là avant Tua. Ouais. C'est qu'il y en a même, il y en a quatre même. Et Hurts, je suis pas sûr qu'il va réussir comme partant, mais ça va être, au moins être un bon réserviste en NFL. C'est quand même il est quand même capable de se débrouiller. Je sais pas si je le voudrais comme corps de franchise, je pense non. Mais comme comme corps pour un bridge pour un an ou pour le temps de former un autre jeune, j'aimerais ça l'avoir. C'est quand même un gars qui c'est quand même pas un mauvais corps. T'sais. C'est que non, il forme des bons de plus en plus de bons corps arrière. Ils ont un bon système puis ils forment bien les corps qui sortent de là, mais semblent bien formés si je me fie sur Tagovailoa puis Mac Jones aussi. Okay. Là. Bon, actuellement, c'est une journée importante pour la NBA, pas pour la NBA, mais pour la NCAA aujourd'hui. C'est la première journée des annonces des joueurs de high school qui sont considérés 5 étoiles. Du coup, je me trompe. 5 étoiles, ça veut dire des joueurs qui potentiels Pro Bowl éventuellement. Si tu voulais diriger ça, disais ça comme ça, voici un peu comment ça fonctionne. T'as apparemment t'as différents systèmes de recrutement. C'est pas nécessairement consensuel. T'as Rivals, t'as ESPN, t'as différents. Puis ils ont pas tous exactement le même classement, donc ça peut varier un peu, mais d'habitude c'est quand même pas mal les mêmes joueurs qu'on retrouve dans le haut des. T'as à peu près une trentaine normalement de prospects 5 étoiles. Donc, l'équivalent d'une première ronde dans la NFL, un petit peu plus que 30 des fois. Ensuite, je te dirais que de 30 cuques à autour de ça dépendant des services, 150 ou même des fois 200, ça, c'est des 4 étoiles. Donc, c'est l'équivalent de peut-être des rondes 2 et 3 en NFL. Puis, ensuite, tu as des prospects 3 étoiles qui, eux, sont un petit peu plus là, sont un petit peu plus comme les choix de 4 à 7, mettons, là, la troisième journée du repêchage en NFL. Si je voulais faire une analogie, je dirais ça. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est bien énervé parce que là, les prospects 5 étoiles, puis les meilleurs prospects 4 étoiles, là, ceux qui sont dans le top 100, font leur choix d'université. Puis là, ils vont se présenter devant la caméra avec leur casquette, leur t-shirt. C'est un bon show, ça, par exemple. C'est fantastique, Danny. Pour la TV, c'est un bon show, là. Très bon show. T'as le jeune qui arrive, puis là, il y a les finalistes. C'est 3-4 talents, Oui, puis contrairement au sport professionnel, comme la Ligue nationale, la NHL, où c'est l'équipe qui choisit le joueur, là, c'est le joueur qui choisit son équipe. Mm. C'est que c'est l'inverse. T'as le petit gars qui arrive avec ses casquettes, puis là, il dit, finalement, j'ai choisi, puis là, il choisit la casquette, tu la mets sur la tête, là, tout le monde sait, par exemple, qu'il va aller à Alabama. C'est vraiment cool. Ça fait une belle journée. Puis aujourd'hui, il est arrivé. Moi, c'est mon highlight de la journée dans le monde du football. Il y a un prospect 5 étoiles. Hein, certains services l'ont numéro 1 overall. C'est un demi de coin. Mais d'autres services l'ont numéro 2. Mais on s'entend que c'est un top 5. Là. C'est le premier demi de coin. Et il a changé son commitment où il s'est engagé envers Florida State. Et là, il a décidé d'aller à Jackson State, qui est Jackson State, si vous avez jamais entendu ce nom-là, là, c'est parce que c'est en deuxième division, c'est en division FCS, donc c'est un gros programme. Nom. Oui. Puis si vous pensez déjà l'avoir entendu, puis vous dites, me semble que ça me dit quelque chose, parce que Deion Sanders est coach là-bas. Deion Sanders, qui était un demi de coin, un des meilleurs de l'histoire, alors lui, il a choisi cette université-là pour aller jouer pour Deion Sanders. Alors, il est le premier prospect 5 étoiles de l'histoire à signer avec une université de deuxième division à cause de la présence de Deion Sanders. C'est quand même quelque chose, hein? Oui, c'est quand même quelque chose, puis ça donne une crédibilité au FCS. Puis Deion, c'est sa deuxième année seulement, je me corrige, je me trompe, c'est ça, hein? Exactement. Par contre, je peux te dire qu'à chaque fois, tu sais, Deion couvre toujours le NFL Combine pour NFL Network. Puis Ah, puis quand tu l'entends parler de demi de coin, ce gars-là connaît vraiment son affaire. Là. C'est vraiment quelqu'un, c'est un bon technicien. C'est quelqu'un que tu l'écoutes parler. Pis moi, je me disais toujours, mon Dieu, qu'il ferait un bon coach. Mm. Et puis, ben effectivement, il semble en être un. Ça a l'air d'être un très bon coach. Okay. Alors, écoute, c'est quelque chose. Ça. C'est vraiment une grosse nouvelle. OK, là, c'est oui. Incroyable. Sur Blue Pennon, site français, là, qui sont sur la coche. On disait ça avant d'entrer en nombre. C'est un site français, mais ils sont très, très bons. Là. Georgia, 26 joueurs. T'as 4, 5 étoiles. Wow. 15, 4 étoiles. Et 7, 3 étoiles. Et Alabama, c'est toujours les mêmes. Georgia, Alabama 3, 16, 2. Après ça, Texas A&M, c'est un petit peu une surprise. Oui. 5 étoiles, 15, 4 étoiles et 3 étoiles. Ohio State, 2 étoiles et ensuite Texas. Donc, c'est le classement. Oui. Michigan sont au 9e rang. C'est assez surprenant. Et Notre-Dame au 7e. Et t'as pas USC qui avait quand même USC par le, avec l'acquisition de Lincoln Riley, t'avais quand même plusieurs joueurs qui se sont décommis de Oklahoma qui s'en allaient à Ouais, c'est surprenant que USC soit pas plus haut que ça. Non. Parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai vu ça passer. La nouvelle aujourd'hui que tout le monde parlait, effectivement, c'est la performance de Texas A&M qui est en train de voler le spectacle. Puis, très surprenant, là, Texas A&M est né à nez avec Bama puis Georgia. Ça, on ne s'attendait peut-être pas nécessairement. Mais USC, merci de le souligner. J'avais l'impression qu'il y avait une meilleure journée que ça parce que, effectivement, il y a quelques bons prospects qui se sont décommis de Oklahoma pour aller à USC. Puis, c'est ça, j'étais sous l'impression qu'il était comme un petit peu en train de voler. Bon, puis on sait que Texas, il y a un certain les Longhorns, on le vend dans le dos un petit peu là, mais ils ont toujours des bons prospects les Longhorns, je comprends pas comment ça se fait qu'ils sont pas meilleurs que ça là, parce qu'ils ont toujours beaucoup de 5 étoiles puis de 4 étoiles Texas, mais ils arrivent pas à produire quand même. Effectivement. Hugues, on se reparle la semaine prochaine, on va se reparler parce que les bowls commencent en fin de semaine, on va se reparler. Puis il y a quelques bons, c'est des petits bowls pour le début, mais il y a quelques bons. J'ai vu des équipes en bas du top 25 qui jouent en fin de semaine. C'est pas les meilleurs, là, mais c'est. C'est des petites universités, mais il y a quelques bons matchs en fin de semaine. Fait qu'on va regarder ça la semaine prochaine. Notre ami Hugues Fouché,